Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Il y a en France une cécité sur la question de l'islam. Tels étaient, voici peu, les propos de Gilles Kepel, politologue, spécialiste du monde arabe. Que peut donc apporter l'archéologie au débat ? Rien et tout, puisqu'elle plonge dans les profondeurs du temps. Si la présence arabo-islamique dans l'Europe méditerranéenne est à la fois ancienne et profonde, son legs reste peu étudié, notamment en France, malgré une présence importante et durable. On avait récemment vu les archéologues faire le point sur l'archéologie du judaïsme. Aujourd'hui, les voici se pencher sur l'héritage musulman, objet d'un colloque au Mucem. C'est donc aux portes de l'Orient, à Marseille, que je me suis rendu pour rencontrer trois chercheurs. Roland-Pierre Guéraud, chargé de recherche au CNRS, Jean-Michel Poisson, maître de conférence à l'EHESS, et Yves Glaise, archéo-anthropologue à l'INRAP. Roland-Pierre Guéraud, voici des années que nous nous sommes rencontrés. Votre terrain était alors l'Égypte, non pas les pharaons, mais une période jugée tardive, l'époque fatimide. Au travers de vos fouilles, bien sûr, de phostates au cœur du Caire. Aujourd'hui, ce dossier serait totalement clos ? Non, pas vraiment. Alors, les fouilles ont duré une vingtaine d'années. On a réussi à garder le terrain, qui maintenant a peut-être disparu d'ailleurs au cours des événements actuels. Mais on est dans la partie études, et en principe, si tout le monde fait ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes, il devrait y avoir entre 10 et 15 ou 17 volumes publiés. Là, on en est dans le troisième. Donc, pour ainsi dire, au début. Jean-Michel Poisson, transporte-nous en Europe. Si l'on évoque l'influence, voire l'héritage arabo-islamique en Europe méditerranéenne, il nous faut tout d'abord évoquer l'Espagne et l'empreinte d'Al-Andalus. Bien sûr, parce qu'en Europe, c'est en Espagne que l'empreinte islamique a été la plus longue, la plus durable et la plus marquée, en tout cas en Europe. C'est vrai que dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur italien, bien sûr en Sicile, un petit peu moins en Sardaigne ou en Italie méridionale, cette empreinte a également été marquée, mais beaucoup moins dans la durée et beaucoup moins profondément du point de vue culturel. Alors, quelle est la chronologie, justement, de cette expansion ? Alors, la chronologie, elle est relativement complexe, puisque vous savez que l'expansion musulmane au Maghreb se fait de façon assez rapide, hein, au cours des 7e et 8e siècles, et y compris en Espagne, au cours du 8e siècle. Dans d'autres secteurs, et je reviens aussi un petit peu au secteur italien, où évidemment on a là une résistance beaucoup plus forte, puisqu'on peut parler de conflits entre trois empires. On a l'empire franc, on a l'empire byzantin qui offre évidemment une résistance beaucoup plus importante que n'offrait l'Espagne wisigothique à l'arrivée des musulmans. Cet héritage en Espagne est-il reconnu, étudié ? Il est étudié, bien sûr, par les chercheurs espagnols. Il est étudié également par un certain nombre de chercheurs français, y compris des chercheurs qui ont en grande partie renouvelé l'étude de la question. Je pense en particulier à mon collègue Pierre Guichard, qui a été l'un des acteurs de ce renouveau des problématiques et des études sur Al-Andalus. Mais il y a également beaucoup de recherches qui se font du point de vue historique et du point de vue archéologique. Maintenant que sont un petit peu dépassées les polémiques historico-politiques d'il y a quelques dizaines d'années. Ce sujet, il est bien sûr d'abord historique. On ne peut pas déconnecter l'archéologie de l'histoire. Bien sûr, l'archéologie, c'est l'histoire. Simplement, il s'agit là de faire concourir à l'histoire des sources de nature différentes, des sources textuelles d'une part, des sources matérielles d'autre part, dans toute leur diversité, sources qui, dans l'ensemble, de toute façon, aussi bien pour les sources textuelles qu'archéologiques, sont quand même relativement rares pour cette période. Alors, évidemment, concernant les sources archéologiques, on peut toujours penser qu'elles vont s'étendre avec de nouvelles recherches. Les sources textuelles, évidemment, sont par définition un petit peu plus limitées. Et alors, pourquoi ce thème de recherche est-il l'objet de réticences encore en France, en Italie ? Alors, évidemment, l'historiographie est différente selon les pays. Si on parle de l'Espagne, par exemple, c'est vrai que pendant longtemps, les réticences sont venues du fait de la romanisation, c'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que l'Espagne, disons moderne, était héritière, en quelque sorte, du monde romain, avec un avatar islamique. Et ça, c'est évidemment très dépassé. Alors, en France, c'est un petit peu différent, parce qu'en France méridionale, la présence romaine est évidemment extrêmement marquée, mais la présence islamique est beaucoup moins marquée. Donc, évidemment, il ne pouvait guère y avoir de problèmes de ce genre. Et en plus de ça, si vous voulez, il y a quand même moins de problèmes d'ordre politique, ou d'enjeux, en tout cas, d'ordre politique en France qu'en Espagne. Il n'y a plus en avoir. Notre sujet tourne bien sûr autour de la Méditerranée. Quelle est cette Méditerranée au 7e siècle de notre ère ? Alors au 7e siècle, c'est une situation assez complexe, parce qu'on a d'une part des empires ou des royaumes, comme par exemple le royaume wisigoth d'Espagne, qui est quand même une grande étendue, mais qui a subi une défaite dure par rapport aux Francs, et qui s'est replié sur la péninsule ou le sud de la Gaule. On a un empire byzantin qui est en proie non seulement à des ennemis extérieurs du type des Petchénègues ou tout ça, ou des peuples qui viennent du nord-est de l'empire byzantin, mais surtout par rapport à l'empire perse. C'est-à-dire que la conquête islamique va se retrouver dans un monde où Héraclius, au début du 7e siècle, a récupéré pas mal de territoires qu'il venait de perdre par rapport à Chosroès. Et là-dessus arrivent les Arabes, c'est-à-dire face à deux entités politiques relativement épuisées. Et c'est pour ça peut-être aussi que la conquête a été aussi rapide en Orient. Il suffit d'avoir en tête deux dates, donc la date de 632 qui est la mort de Mohammed, et la date, par exemple, de 732, qui est la bataille de Poitiers. Et dans pratiquement un siècle, il y a un empire qui s'est constitué de l'Atlantique aux confins de la Chine. Jean-Michel Poisson, l'histoire de l'expansion de l'islam n'est donc pas qu'une affaire de conquête ? Cette expansion, elle est effectivement stoppée par cette fameuse bataille de Poitiers. Elle est stoppée dans son expansion au nord-ouest. Cette bataille de Poitiers, elle est importante, non pas tellement parce qu'on se situe dans une perspective d'histoire événementielle, mais enfin, les historiens aiment bien quand même avoir des pierres hein, sur lesquelles construire leur discours historique, mais elle marque quand même le tournant de la résistance du monde franc hein, à l'expansion musulmane. Et en tout cas, c'est à Poitiers qu'elle est le plus nette, parce que, comme je le disais précédemment, en Italie, les choses sont beaucoup plus complexes, elles prennent beaucoup plus de temps, même si, effectivement, on retrouve un peu les mêmes acteurs, hein, toujours l'Empire franc contre les musulmans. Mais c'est sûr que cette expansion musulmane, elle s'est faite de façon relativement rapide en ce qui concerne le Maghreb, et ensuite beaucoup plus lente, voire sporadique, en ce qui concerne la Méditerranée septentrionale. Si on pense à la Sicile, par exemple, la Sicile est conquise en presque un siècle, c'est très long. Elle n'est pas dominée plus longtemps que un peu plus d'un siècle et demi, c'est donc pas pérenne. Hein, et d'autres secteurs, comme la côte tyrrhénienne de l'Italie, la Sardaigne ou la Corse, ne sont touchés que ponctuellement, voire les côtes provençales ne sont touchées que ponctuellement, ou alors cette présence musulmane se manifeste par, comme à Fraxinetum, à Saint-Tropez, par des points d'ancrage qui ne réussissent pas à contrôler un territoire étendu. Quelque part, Poitiers, c'est la naissance de l'Empire carolingien. Alors que devons-nous à l'islam, à part bien sûr quelques mots comme le divan, l'élixir, l'artichaut issu probablement de quelques langua franca, bien sûr nombre de technologies, nombre de savoirs, une littérature, une philosophie? Oui, et même aussi des pratiques agricoles, des modes de construction particuliers, des espèces végétales. Bien sûr, cet apport, il est multiforme. Il est d'ailleurs relativement différent selon les zones concernées. On a évidemment, si on pense aux cultures irriguées, par exemple, ça a modifié considérablement non seulement le paysage, mais les modes de production agricole dans l'Espagne musulmane, l'introduction de nouvelles cultures ou de nouvelles productions comme la canne à sucre, le coton, etc., en Sicile ou ailleurs, a aussi beaucoup modifié le faciès de ces campagnes, mais du point de vue culturel, évidemment, également, du point de vue, bien sûr, de la littérature, des ouvrages de géographie, mais également, bien sûr, tout ce qui concerne la médecine, mais aussi la musique, etc. Donc, faire l'inventaire de tous ces apports serait très long. On peut dire que ça a concerné une grande partie des modes de vie et d'un certain nombre de techniques, même, par exemple, de certaines techniques militaires. Hein, on parle de l'usage de l'arc et de l'arbalète dans les armées. On parle de certains modes de construction avec en particulier des emplois spécifiques de la terre dans la construction rustique. Bref, on le voit, c'est vraiment extrêmement varié et dans beaucoup de cas, ça produit une empreinte très durable. Roland-Pierre Guéraud. Oui, moi je voulais rajouter quelque chose qui tourne un peu à la marotte chez moi, c'est-à-dire le papier. On ne fait pas attention à ce genre de détail qui n'en est pas un. Le papier nous est venu de Chine par l'intermédiaire de l'Asie centrale, de Samarcande, au IXe siècle et petit à petit vers l'Ouest. Mais il faut avoir en tête que avant il y avait le papyrus, il y avait le velin, qui ont continué leur vie pour le velin, mais pas le papyrus qui a eu une grosse crise au IXe siècle. Et donc, le papier, c'est un matériau bon marché qui a permis aussi de développer l'écrit, à la fois chez les commerçants, les notaires, les administratifs et chez les intellectuels. Donc on a une vulgarisation en quelque sorte, pas très rapide, qui se fait certainement sur pas mal d'années, de décennies, mais le papier devient un support de l'écrit et donc quelque part de la pensée aussi. Passons à l'archéologie. On a vu bien sûr que cet héritage était totalement historique. Les découvertes archéologiques sarrasines ne sont-elles pas encore trop anecdotiques? Ou est-ce que l'on est sur des véritables thèmes de recherche? Alors, anecdotiques dans la mesure où elles sont encore peu nombreuses, sans aucun doute. Il s'agit principalement de deux séries de données, je dirais. D'une part, des données anciennes, qui sont souvent ponctuelles, des découvertes anciennes qui ont été faites, de monnaies musulmanes, d'objets qu'il faut revisiter, réétudier, souvent retrouver aussi. Et puis, des données archéologiques plus récentes, faites évidemment dans des contextes de fouilles stratigraphiques rigoureuses, souvent bien sûr sur des sites qui sont pluristratifiés, c'est-à-dire qui ont connu une occupation longue au cours de laquelle cette période n'est qu'une des périodes qui sont représentées, avec quelquefois des caractéristiques un peu difficiles à identifier pour les dater ou pour les rapporter justement au monde musulman, mais quand même un certain nombre de sites particuliers Alors évidemment, il faut citer les sites roussillonnais de Russino ou le Trérat, mais également, bien sûr, des découvertes qui ont été faites en Provence, en Languedoc. Oui. La première grande découverte, celle qui a été un peu marquante pour les archéologues, ça a été sans nul doute la découverte à Marseille d'une sorte de four très particulier, ce que l'on appelle les fours à barres. Une invention, une technologie strictement islamique. C'est la carte de répartition couvre effectivement une grande partie du monde musulman médiéval, depuis, disons, d'ouest en est, depuis le Portugal jusqu'à l'Afghanistan actuel. Et donc, à la fois par la datation archéologique qui a pu être obtenue sur les fours qui ont été fouillés, notamment celui de Marseille, mais également par analogie dans ce type tout à fait particulier de structure, permettent effectivement de le considérer comme caractéristique de cette époque. Et d'ailleurs, dans bien des cas, il n'a pas duré plus longtemps que l'occupation musulmane des pays où on le trouvait. Juste pour compléter les fours à barres, en fait, on les a une fois de plus, évidemment, en Chine. Donc c'est... Le monde islamique a adopté cette technique au moins à partir du IXe siècle. On en a un phostat. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une fois de plus une influence de l'Extrême-Orient qui, comme je vous l'ai dit, a été rendue possible par l'immensité du domaine islamique qui jouxte la Chine. Yves Glaise, vous êtes notre anthropologue du Salon Noir aujourd'hui. Vous êtes bien sûr au courant de cette nécropole qui aurait été trouvée place Charles de Gaulle à Marseille, datant grosso modo des 12e, 13e siècles, où là, on aurait encore une trace de vestiges arabo-islamiques. Oui, tout à fait. À Marseille, pour le XIIIe siècle, il y a un ensemble de sépultures, un petit groupe qui était trouvé. Ce qui était intéressant, ce sont des tombes qui regarderaient vers le sud-est et donc qui pourraient regarder vers la Mecque. Donc là, on a des informations qui peuvent être mises en parallèle avec les rites musulmans pour enterrer les morts. On connaît aussi d'autres restes funéraires qui peuvent être liés. Au XIIe siècle, il y a des stèles qui ont été trouvées à Montpellier. Malheureusement, elles ont été trouvées en contexte de remploi dans un bâtiment. Donc on n'est pas réellement sûr de leur origine et s'il y avait réellement des musulmans à Montpellier à cette époque-là. Il y a des découvertes anciennes vers à Narbonne qui on a indiqué qu'il y avait potentiellement des inhumations musulmanes. Mais ce sont des découvertes anciennes, cela manque d'archives et on n'a pas des informations précises sur la position du squelette et du crâne pour pouvoir affirmer que c'était des tombes qui respectaient des rites qui pouvaient aller dans le sens de pratiques musulmanes. Voilà. Et puis, Yves Glaise, en 2006-2007, vous fouillez des tombes à Nîmes, une vingtaine de tombes, et là, de nouveau. Oui, tout à fait. Découverte exceptionnelle. Au milieu de ces 20 sépultures, on a découvert 3 sépultures qui étaient les individus étaient inhumés sur le côté. Donc déjà, c'est ce qui nous a mis, on va dire, la puce à l'oreille. C'était tout à fait différent des autres sépultures enterrées sur le côté droit. Après, on a essayé de s'intéresser plus en détail sur les pratiques funéraires pour deux où le crâne est encore en position originelle, on a pu voir qu'il regardait vers le sud-est, donc éventuellement vers la Mecque. Donc on a essayé d'avancer petit à petit des éléments, des arguments, pour essayer d'avoir plus d'éléments en faveur de pratiques musulmanes. On a étudié la forme des fosses, donc dans deux cas, on a des fosses qui auraient un surcreusement latéral, on parle d'alcôve, de niche, et ça peut se rapprocher du rite d'inhumation musulmane en lade, qui peut se trouver au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Il y a aussi quelques cas qui ont été trouvés dans des cimetières musulmans en Espagne il y a quelques temps. Roland Perguerot, c'est des choses que vous connaissez très bien, liées à vos recherches en Égypte. Oui, alors, bon, les inhumations, effectivement, il y en a beaucoup qui sont en pleine terre et individuelles, qui présentent les mêmes caractères. Je crois que là, la démonstration est probante. Et en ce qui concerne le surcreusement de la tombe, on peut y voir une adaptation des chambres construites. Et il y a des tombes avec un accès latéral et une chambre sur le côté où sont déposés les corps. Et ça correspond à ça, en fait. Yves Glaise, vous allez plus loin dans vos recherches parce que là, c'est... Ce sont des indices qui tendent à montrer que nous avons bien affaire à une population éventuellement islamique. Vous faites des analyses génétiques ? Tout d'abord, on a essayé de faire des datations pour essayer de les caler en termes de chronologie, puisqu'il fallait essayer de placer ces sépultures. Est-ce que ça pouvait correspondre à des événements comme on a pu voir pour le XIIe et XIIIe siècle, par exemple à Marseille, ou est-ce que c'était des événements qui pouvaient être plus anciens ? Donc les datations, on a vraiment été surpris, parce que franchement, moi, je m'attendais à des datations du XIIe, XIIIe siècle. Et là, surprise, datation 7e, 8e, 9e siècle. Donc, c'est vrai que par rapport aux chroniques qu'on connaît, chroniques méridionales, on sait qu'il y a des incursions arabo-musulmanes qui suivent la voie domitienne et qui passent à Béziers, à Nîmes et qui remontent la vallée du Rhône. Donc là, est-ce qu'on pouvait, on se trouve... à des sépultures qui peuvent être liées à cet événement, là, vraiment, on a des éléments archéologiques qui sont vraiment passionnants et ça permet de se poser la question des marqueurs matériels de ces passages. Donc, on a essayé d'aller un peu plus loin, se poser la question de l'identité de ces sujets. Donc, trois sujets adultes de sexe masculin. Et on a essayé de voir si on ne pouvait pas avoir des éléments en termes de marqueurs génétiques. Et donc, qui pouvait être une pièce en plus de notre puzzle pour essayer d'avancer dans l'identification de ces défunts. Donc avec l'aide de la plateforme paléogénétique à Bordeaux 1, nous avons extrait l'ADN sur trois individus. On s'intéressait d'abord à l'ADN mitochondrial qui informe sur la lignée maternelle et qui est le mieux conservé. Donc pour deux individus, on a des haplogroupes, donc des marqueurs qui ne sont pas obligatoirement précis, ils sont rares, mais pour un, on a un haplogroupe qui est rare, mais où les fréquences les plus importantes se trouvent en Afrique équatoriale, un peu en Égypte et un peu en Arabie. Mais c'est vrai que là, on a des éléments qui vont vraiment dans le sens de sujets musulmans qui sont passés à Nîmes et qui peut-être même ont pu rester un certain temps, puisque pour être enterré là, il devait avoir des personnes qui connaissaient les rites d'inhumation. On a trouvé sur les squelettes aucune trace de coups pouvant correspondre à des événements violents. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on n'a pas un petit groupe qui est resté quelques années à Nîmes ? Et c'est vrai que les textes parlent entre 725 et 752 de musulmans qui restent à Nîmes, éventuellement peut-être une garnison, on ne sait pas. Pour l'instant, les éléments sont encore faibles, mais c'est vrai que tout porte à croire qu'on a vraiment une présence à Nîmes à cette époque-là. Jean-Michel Poisson, il faut bien sûr aussi parler de Russigno, un site capital pour l'étude de cette période moyenâgeuse en présence islamique. Un site capital parce que c'est un site d'habitat et ils sont extrêmement rares. Il faut bien dire que la plupart des indices de présence musulmane, comme par exemple les découvertes de monnaie, voire même les sépultures, sont des indices que j'appellerais peut-être indirects quand même d'une véritable occupation. En revanche, un site d'habitat, c'est évidemment capital parce que on a là la possibilité, comme on le fait bien sûr dans les études d'habitat en général, d'étudier les différents éléments de l'installation, de la construction, des modes de vie, de certaines pratiques artisanales, économiques, etc. Bref, de tout un ensemble qui atteste vraiment une permanence, même si du point de vue chronologique, on n'est pas encore totalement certain des terminus de l'occupation, mais c'est évidemment, de ce point de vue, quelque chose de capital. Oui. Alors, Roussigno, quelques vestiges très importants ? quelques vestiges très importants qui appartiennent aussi bien à une construction de type fortification et à des constructions qui se réfèrent à une petite agglomération rurale avec, bon, certes, des modes de construction qui sont en grande partie des modes de construction traditionnels du Moyen-Âge dans l'ère méditerranéenne, mais avec aussi quelques éléments particuliers. Je pense à l'emploi de la terre et de ce mode particulier de construction que l'on appelle aujourd'hui le pisé, que l'on appelait au Moyen-Âge le tapial, qui est aussi une caractéristique technique tout à fait particulière. Alors, des découvertes, pour finir, il y en a quand même pas mal en France. On pense bien sûr à quelques épaves qui ont été découvertes, dont certaines avec carrément des hommes encore enchaînés, ou du moins encore un homme enchaîné, datant éventuellement du 9e, 10e. Tout ça, bien sûr, est à revoir. On parle aussi quelquefois de graffiti à Toulon, graffiti représentant donc des thèmes arabo-islamiques. On pense bien sûr aux 50 dinars en or à Aurillac. Et puis il y a aussi ces plombs tout à fait extraordinaires, marqués au nom de Arbuna. C'est bien ça, Roland-Pierre Guéraud ? Oui. Alors moi, personnellement, pour ces épaves, il faut essayer de garder raison. D'abord, il y a un problème de datation qui est pas. C'est soit de la fin du 10e, soit, selon certains, de la première moitié du 10e siècle. Et ces épaves, on a vite fait, évidemment, de les lier au Fraxinetum. Le problème, c'est qu'on a des éléments, d'ailleurs, des marmites qui sont faites en Provence, des marmites cylindriques, modelées, qui imitent les mêmes en pierre, hein, en pierre Euler, d'une part. D'autre part, on a plutôt la présence d'un commerce, et sans qu'on puisse dire que ce soit lié ou non au Fraxinetum, dont on connaît l'existence par les textes, mais dont on n'a absolument jusqu'à présent aucune trace physique, aucun élément physique venant démontrer qu'il se trouvait là ou ailleurs. Voilà. Avec toutes les découvertes que nous avons aujourd'hui, qui s'accumulent petit à petit, même s'il y en a encore peu, est-ce que l'on peut dire que ces populations sarrasines s'intègrent, s'implantent réellement dans le Languedoc ou en Provence, et s'intègrent même aux populations chrétiennes ? Il me semble que c'est encore trop tôt pour le dire. Nous avons des indices qui sont quand même encore très ténus. Il est certain que, Yves Glaize le disait tout à l'heure à propos des modes d'inhumation, les contextes culturels demeurent différents. Disons que la permanence, de, par exemple, de rites funéraires musulmans montre qu'il y a encore une différence bien marquée dans un certain nombre de pratiques et donc aussi de modes de vie. Donc c'est très difficile de savoir à quel point il y a pu y avoir des échanges. Sans doute, la présence de musulmans en France méridionale, comme d'ailleurs ça a été le cas en Espagne ou en Sicile dont je parlais avant, a certainement comporté des formes de brassage mais que pour le moment, il est très très difficile de les évaluer. Il faut dire que c'est vraiment un domaine d'étude, et c'est d'ailleurs ce qui le rend aussi passionnant, qui est vraiment des recherches en cours, dont on entrevoit un énorme potentiel, mais qui, pour le moment, les travaux restent en partie des travaux pionniers, et il serait évidemment déraisonnable de tirer des conclusions ou des généralités sur ce qu'on a trouvé. C'est un thème de recherche pour les historiens. Est-ce que vous pensez, en conclusion, que ça peut être un réel thème pour les archéologues ? Ah, sans aucun doute. D'abord parce que je crois que grâce surtout au développement de l'archéologie médiévale dans des secteurs, disons, où le contexte culturel musulman est plus affirmé, on a des éléments de repère, des éléments d'identification qui nous permettent mieux d'identifier des situations qui nous sont plus mal connues de ce côté-ci de la Méditerranée. Mais en plus de ça, d'une façon générale, l'archéologie médiévale a encore à se développer en France, et cet aspect est l'un des aspects, bien évidemment, qu'elle pourra revêtir, c'est sûr. Mardi prochain, à 15h30, le Salon Noir sera consacré à l'homme fossile d'Acelard, découvert en 1927 par Théodore Monod, tombé dans l'oubli depuis. Et puis tout de suite, une très brève info, voici peu, lors de la fouille d'une ferme gauloise en Picardie, une équipe d'archéologues de l'INRAP découvrait un poilu. Il s'agit du deuxième classe Maurice Babet, tué à l'ennemi le 30 août 1918. 95 ans plus tard, celui-ci trouve aujourd'hui et en ce moment même une sépulture dans la nécropole militaire de Tierskourt. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Vincent Ronet, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr.